demoiselle, écoute, j'emporte l'instru. Un M de nous, c'est nous qui l'avons voulu. Je l'aime, la flèche de Cupidon. Un M de nous avec ses problèmes. Alors que le temps sème ses graines, on s'engraine, on s'entraîne. T'as vu plutôt genre hip hop, HLM, on traîne. Genre, on n'est pas des caves ici, les caves mènent nos bagnes. Tu voulais ce N, je te le donne dans le mille. Alors, prends-moi plein de piles dans ton MP3. On récolte ce que l'on sème, pourtant on sème. Mais pourtant, pense à moi pendant que je rêve de toi. Un certain poids sème à la pagaille dans le clapinaille. A trop pris sa place et des balles et merveilles. Chuchote à l'oreille, fleurs et feuilles mortes. La question, mais qui l'emporte? L'orgueil recueille notre haine avec ses problèmes. On se prosterne devant le grand M, le M de notre amour. Rendu, on chevauche les montagnes malgré l'angoisse. Le stress blesse, princesse, des reproches insensés. Marrant, tu le savais pourtant, moi je suis un couche d'herbe. Dis pas que je te tourne le dos, je lâche pas le show. Soy chaud, caliente, bachata, merengue, représenté. Et que dis-je, le vertige, pourquoi, pour toi, petit bout de prestige. Hyper tard au supermarché de la haine, yo también, mon amour. Mais est-ce pour la bonne cause jusqu'à présent? Mais j'ai bien su détruire mon avenir. En tout cas, ce qui est sûr, notre aventure est tellement incertaine. Un présent remplissant de haine, mais aussi d'amour. Et pourtant si éphémère, je coupe plutôt l'embûche de plus. La mauvaise puce, la mauvaise configuration. Pour plus d'amour dans les antennes, mon son. Jusqu'à Athènes, Paris, Puerto Rico. Faut que mes thèmes traversent la France, Felipe. Mais l'ambiance, le morceau, c'est elle de nous. Les autres, confondez pas. Chaque phase posée, à chaque occasion. Je fais parler de ma passion pour discréditer les faux. Retranscrire de vrais faits. Trop d'orage dans mes phrases. Remonte le niveau du flow, lâche l'otage. Une nuit blanche pour noircir le maximum de pages censées. Faut qu'on stoppe la rage qui tente d'entrer sans ticket. Sans mettre des tickets à notre concubine. Binage parfois raté, on s'est planté dès le début. Pour ça, s'accrocher à cette idée sans arrêt devient sans gêne. Mais pourtant, tu sais que je t'aime, pas sans peine. Avant la peine fatale, réveille tes neurones, décris la morosité. Arrête d'insister si t'as envie d'y arriver. Va falloir stopper les ardeurs, une prise de distance s'impose. Reconquérir petit à petit la suite, seul Dieu le sait. Allons dans ce sens. Je sais pas ce que t'en penses, mais t'as vu l'ambiance. Donnons-nous du temps, on a tout le temps, alors prenons un temps. On verra où nous emportera le vent. Le N de nous, voilà le morceau.